de hasard, toujours une raison. Toujours une paire de 4 saisons. 6, 3, 5 ou 7, 6, 5. 3 chiffres et ça abîme ton caisson. J'ai trop goûté à la quicheta, que des cartons rouges sur FIFA. Et demande à mes frérots, calcène le sang est plus épais que le pissap. J'suis pas un exemple, devant les ch'tas on parle que le latin. Et dans mon dos déjà loup y'en a plein, parce que ma chaîne est plus lourde que les champs. Ça c'est du big, ma nuque est mouillée, ça c'est du drip. La plupart de ces mecs c'est des acteurs, écoute pas leur histoire, ça c'est du vice. Drip, mouillé, drip, drip, mouillé, aïe. Un 22 sur la chaîne, cagoulé sur la tête, ice. Drip, drip, mouillé, puis drip, drip, mouillé, fafa. Un 22 sur la chaîne, du 24 sur la chaîne, bitch. Drip, mouillé, bitch. Drip, drip, mouillé, fafa. Un 22 sur la chaîne, cagoulé sur la tête, bitch. Drip, drip, mouillé, drip, drip, drip, mouillé, aïe. Un 22 sur la chaîne, du 24 sur la chaîne, bitch. Big drip, sur l'insco j'fais que des big drip. Et j'en refais un de T-Dream, ça me plaît, j'achète ce qu'il y a derrière la vitrine. Depuis petit j'fais que charbonner, l'hiver est caillé, j'avais pas de bonnet. J'voulais un pioui, j'voulais pas de poney, que j'plaidais quand j'étais sous Jack Honey. 2-2-2-2-2-2-2, ta bitch check, j'ai une big. Ta bête bugueux, j'les écoute parler, ce fils de pavé que joue plus gueux. Pour la fin de couplet j'pars en impro bitch, avec ta bitch on est synchro bitch. On veut la villa à Saint-Tropez, t'es mon frère j'espère que me suis pas trompé. Drip, mouillé, drip, drip, mouillé, aïe. Un 22 sur la chaîne, cagoulé sur la tête, ice. Drip, drip, mouillé, bitch. Drip, drip, mouillé, fafa. Un 22 sur la chaîne, du 24 sur la chaîne, bitch. Drip, mouillé, bitch. Drip, drip, mouillé, fafa. Un 22 sur la chaîne, cagoulé sur la tête, bitch. Drip, drip, mouillé, drip, drip, drip, mouillé, aïe. Un 22 sur la chaîne, du 24 sur la chaîne, bitch.